Chapitre 14. Amy se demanda si elle devait prévenir Siegfried, puis se ravisa. Ces derniers temps, elle avait pris la résolution de s'éloigner du vieil homme. Elle ne supportait plus son obsession pathologique du gros cou, ses mensonges, l'aisance avec laquelle il endossait l'identité d'un personnage fictif. C'était un escroc et un tueur impitoyable. La froide efficacité dont il avait fait preuve lorsqu'il avait abattu Ethel Pumper et sa dame de compagnie avait horrifié la jeune femme. Par-dessus tout, elle ne lui pardonnait pas d'exercer une influence nocive sur Sharon et de s'appliquer à la corrompre sournoisement. Tôt ou tard, elle serait contrainte de lui tourner le dos, de l'abandonner à son sort. Il fallait protéger Sharon, oui, c'était plus important que tout. Il voudrait faire avec elle ce qu'il a fait avec moi, songea-t-elle. L'adresser à voler, l'initier au crime, à l'escroquerie. Je dois l'en empêcher. Peinant sur le chemin caillouteux, elle prit le temps de réfléchir aux propositions de Chico. La loterie du mariage, par exemple, n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Si nous sommes condamnés à rester ici, songea-t-elle, ce pourrait être le moyen pour Sharon de se trouver un compagnon, même momentané. Ce serait toujours mieux que la solitude. D'ici 3 ou 4 ans, ses sens s'éveilleront. Elle éprouvera le besoin de mener la vie d'une fille normale. Quel garçon aura envie de la courtiser? Aucun, évidemment. Elle se retrouvera condamnée à mener une vie de nonne, à s'exiler au fond de la jungle. Seule la loterie des coupes pourrait apporter une ombre de solution à son problème. Mais pour cela, se dit-elle, il faudrait que je lui donne l'exemple. Que j'entre la première dans le système. Là se situait le nœud du problème. Était-elle prête à partager la vie d'un inconnu? Sa vie et son lit, souffla une méchante petite voix au fond de son esprit. Ce ne serait que pour 1 an, se dit-elle, essayant de se rassurer. 12 mois, c'est vite passé. Depuis qu'elle s'était réveillée amnésique dans les ruines de l'ombre, elle s'était tenue en marge de l'existence, n'envisageant même plus de tomber amoureuse ou d'avoir envie de prendre du plaisir avec un homme. Elle commençait à redouter que cet état ne devienne permanent. « Je suis engourdie », se répétait-elle. En réalité, elle savait qu'elle faisait tapisserie, qu'elle se tenait le dos au mur, incapable de rentrer dans la danse. Si elle ne réagissait pas, elle risquait de demeurer ainsi jusqu'aux abords de la vieillesse. Elle devait se contraindre, se jeter à l'eau. Alors quelque chose se débloquerait en elle. Elle reprendrait goût aux choses. Du moins, elle l'espérait. « Je dois cesser de me comporter en somnambule, songea-t-elle. Je reste trop en retrait. La plupart du temps, je n'éprouve aucun sentiment pour les gens qui m'entourent. C'est comme si on m'avait anesthésiée. » La loterie du mariage. Oui. Là nichait peut-être la solution. Le hasard la jetterait dans les bras d'un inconnu. Elle en concevrait de la gêne, de la honte ou du dégoût. Elle ne savait au juste. Mais au moins, son corps se réveillerait. Il était également possible que cette association se révèle positive, voire agréable. 1 an, se dit-elle. 1 an à jouer à la jeune mariée, à essayer une nouvelle existence, comme on enfile un vêtement neuf. Pourquoi pas? Jadis, on mariait les jeunes filles sans leur demander leur avis, avec des prétendants qu'elles n'avaient la plupart du temps jamais rencontrés avant l'annonce officielle des fiançailles. Eh bien, se dit-elle en forçant la note optimiste, ce sera comme une sorte de mariage à l'ancienne. À quoi tu penses? Demanda Sharon qui trottinait à ses côtés. À Chico? Tu es amoureuse de lui. Il est beau, hein? Amy rougit et s'en irrita. La gamine n'avait pas les yeux dans sa poche. Si elle s'en est rendue compte, pensa-t-elle, Chico n'a pas manqué de s'en apercevoir, lui aussi. Agacée, elle fut sur le point de lancer. Non, je ne suis pas amoureuse, j'ai envie de coucher avec lui, c'est tout. Tu es trop jeune pour comprendre. Non, mentit-elle, j'ai peur que Siegfried et Weser ne provoquent une catastrophe. Ils veulent tellement quitter cette île qu'ils n'hésiteront pas à attaquer le clan des mécanos. On est bien ici, gémit la fillette. Je n'ai pas envie de repartir dans le vrai monde. Je ne veux pas retourner dans le sous-marin. Ça pue et les toilettes sont trop compliquées à utiliser. Elles cessèrent de parler car le terrain devenait raide, leur coupant le souffle. Il faisait très chaud. Une vague odeur de soufre flottait dans l'air. Ami remarqua d'étranges fumerolles s'élevant du sol. « Quelle cuisine nous mitonne-t-on là-dessous » se demanda-t-elle. « Rien de très ragoûtant, sans doute. » Elles atteignirent enfin la base du cratère. Une surprise les y attendait. Au pied du volcan s'étendait une ville en réduction. Une ville antique, avec ses palais à colonnades, ses frontons sculptés, ses temples, ses maisons de bain. Les bâtiments mesuraient 1,50 m de haut. Ils avaient été taillés dans la pierre ponce avec un grand luxe de détails. « Eh !» s'extasia Sharon. « Une ville de poupées, c'est chou !» Ami hésita, décontenancée. Elle ne s'attendait pas à cela. Au carrefour se dressaient des statues, miniaturisées elles aussi. Jupiter, Hercule, Vesta. On avait poussé le souci maniaque jusqu'à reproduire des graffitis latins sur les murs. Une affiche de la taille d'une carte à jouer vantait les mérites d'un spectacle de gladiateurs, assurément sanglant. Fascinée, Sharon s'accroupit pour scruter l'intérieur d'un temple. Une voix s'éleva désagréable. « On ne touche à rien. Il ne s'agit pas d'un jouet, mais d'une reconstitution historique. » Un homme en haillons venait de surgir des buissons. D'un pas décidé, il se porta à la rencontre d'amis. Géant dérisoire remontant la rue principale qui séparait les maisons de poupées. Comme s'il eût été blasphématoire de les enjamber, il prenait soin de contourner les statues des dieux plantées sur les places publiques. « Nous sommes envoyés par le professeur Gunnarsson, » s'empressa de lancer la jeune femme. « Nous venons de faire naufrage. Nous ne connaissons rien aux usages de l'île. Si nous vous avons offensé de quelque manière, c'était en toute innocence. Pardonnez-nous. » L'homme se radoucit. Il était grand, d'une maigreur décorchée. Ses muscles et tendons se dessinaient sous sa peau avec la précision d'une planche anatomique. Ses cheveux gris, sales et emmêlés, flottaient sur ses épaules. « Ah » soupira-t-il, « Gunnarsson, encore lui. Que me veut-il cet incapable ?»« Je m'appelle Amy Sweetheart, » fit la jeune femme. Et voici Sharon, ma fille. » Quand Sharon se redressa pour esquisser une brève révérence, l'homme se figea, comme foudroyé par le visage massacré de l'enfant. Une expression extatique se peignit sur ses traits. « Un signe » haleta-t-il. « C'est un signe du destin. Cet enfant a été brûlé, n'est-ce pas ?» Amy se raidit, choquée par la grossièreté de l'individu. Elle allait répliquer vertement quand l'homme lui saisit les mains pour les étreindre avec fièvre. « Vous ne comprenez pas cette ville, c'est Pompéi. Une reconstitution exacte de la cité telle qu'elle était avant l'éruption. Je suis un spécialiste de Pompéi. J'ai consacré ma vie à l'étude de la catastrophe. J'en ai rédigé les minutes. Alors, vous comprenez, quand j'ai débarqué ici et que j'ai vu le volcan, c'était un signe, évidemment. » Il bafouillait, postillonnant à tout va. Ami n'osa reculer de peur de l'offenser. De toute évidence, il s'agissait d'un universitaire à l'esprit dérangé. « Excusez-moi, bredouilla-t-il, se reprenant. Je suis Georges Devrault, de l'université de Tonroto. Je revenais d'un voyage d'études en Italie quand la tempête m'a jeté ici, au pied de ce Vésuve en réduction. J'ai tout de suite été frappé par la coïncidence, trop extraordinaire pour être fortuite. Je ramenais de mon séjour des centaines de clichés de croquis pris là-bas, sur le site de la catastrophe. Par miracle, j'ai pu les sauver de l'engloutissement. C'est en m'appuyant sur eux que j'ai entrepris ce travail de reconstitution. Cette ville a été rayée de la carte en 72 heures, voyez-vous. Ensevelie sous une pluie de cendres qui brûla et étouffa ses habitants. Peut-être en avez-vous entendu parler ? Il me prend pour une idiote, songea Ami, que la jactance du bonhomme indisposait. Inutile de le détromper, il sera trop heureux de faire son numéro. Il doit singulièrement manquer d'auditeurs. Et qu'est-ce qu'un prof, une fois privé de l'attention béate de ses étudiants ? Devereux parlait sans prendre le temps de recouvrer son souffle, brassant les pluies de cendre, les signes avant-coureurs, les raz-de-marée, le nombre des victimes. « Ce sera une maquette parfaite, expliqua-t-il. Quand elle sera achevée, je disposerai aux bons endroits des moulages à l'échelle, reproduisant ceux trouvés à Pompéi. Vous n'ignorez pas, bien sûr, qu'on a pu réaliser ces statues en injectant du plâtre liquide dans les moules laissés par les cadavres pris dans la cendre durcie. » Ami eut envie de le gifler. Elle comprit que si elle n'intervenait pas, il bredouillerait ainsi jusqu'au coucher du soleil. Ulf Gunnarsson m'envoie prendre des nouvelles du volcan, lâcha-t-elle d'une traite. Devereux se figea, tel un oiseau touché par une pierre en plein vol. Ah, le volcan, bien sûr, soupira-t-il. Il sommeille, et comme tous les dormeurs, il lui arrive de péter ou de marmonner des mots sans suite. Le volcan dort, mais il rêve. Et ses rêves se traduisent par des fumées nauséabondes. Quand il fait un cauchemar, le sol tremble. Pensez-vous qu'il va se réveiller? Un jour sûrement, mais quand? Dans 10 ans, dans un siècle? Pour le moment, je n'ai constaté aucune augmentation de ses activités gazeuses ou sismiques. Mais cela ne veut rien dire. Le Krakatoa s'est réveillé en un temps effroyablement court, passant du sommeil profond à l'explosion apocalyptique en quelques jours. En ce qui nous concerne, je suis montée au sommet du cône pour explorer le cratère. Il est obturé par un gros bouchon de lave millénaire. Bien sûr, si quelqu'un avait la mauvaise idée d'y faire sauter une caisse de dynamite, les choses pourraient prendre une autre tournure. Ami le dévisagea. Elle n'avait pas aimé le ton sur lequel il avait prononcé sa dernière phrase. Elle avait cru y détecter un souhait caché, l'aveu d'un désir secret. Cet ahuri envisageait-il de réveiller le volcan? Elle se promit d'en parler à Gunnarsson. Mais déjà, Devereux avait repris son masque d'obséquiosité. « Votre petite fille, bredouilla-t-il, il faudra la laisser revenir ici. Tous les enfants de l'île le font. J'ai besoin de leur aide pour construire la cité. Ils sont les seuls, en raison de leur taille, à pouvoir entrer à l'intérieur des maisons. Ça ne m'est pas possible, voyez-vous. Généralement, cette occupation les amuse. Je les rétribue en leur offrant des fruits, des fromages, des gâteaux de miel, car je suis aussi apiculteur. Cela procure aux gosses un passe-temps culturel qui enrichit leur intelligence. Je profite des travaux pour leur enseigner le latin et l'histoire de l'Antiquité. Je fais en quelque sorte office de maître d'école. » Il parlait de plus en plus vite, comme quelqu'un à qui l'on a souvent dit non, et qui veut convaincre son interlocuteur avant qu'on ne lui claque la porte au nez. « Les parents me font confiance, vous savez, » bredouilla-t-il. « Et puis, il est préférable pour les enfants de venir ici plutôt que de traîner du côté des épaves. Il y a déjà eu beaucoup d'accidents mortels. En outre, si vous voulez que votre fillette échappe à l'emprise des mécanos, qu'entendiez-vous par là, lança Ami, que ces gens enlèvent les enfants ?»« Non, ils ne procèdent pas ainsi. » Leurs méthodes sont plus sournoises. Ils abreuvent les gosses de contes à dormir debout, leur font miroiter des merveilles. Allez écouter, le monde qui s'étend au-delà des mers est un inépuisable réservoir à miracles. Et le seul moyen d'accéder à ces prodiges, c'est de quitter l'île, donc de travailler à la construction du grand moteur, donc de rallier le clan des mécaniciens. Beaucoup d'enfants s'ennuient. Ils rêvent d'un ailleurs où la vie serait plus amusante. Cela les rend réceptifs aux fausses promesses. « Je vois, » fit la jeune femme. « Je vous remercie. Je veillerai à ce que Sharon n'aille pas traîner du côté des épaves. » « Attendez, Alta Devereux, il n'y a pas que ça. Elle était prédestinée. Elle a sa place ici. Son infirmité la met en phase avec le destin de Pompéi. Cette ville a été bâtie pour elle. Elle pourrait en être l'interlocutrice privilégiée. Dans l'Antiquité, les oracles étaient souvent des êtres disgraciés à qui les dieux avaient accordé, en compensation, la faculté de prédire l'avenir. Je ne crois pas qu'elle apprécierait que vous lui parliez de ça, coupa Ami. Ce n'est qu'une petite fille qui porte le poids d'un terrible handicap. Pas une prêtresse, une pétie, ou je ne sais quelle réincarnation d'une princesse morte il y a des milliers d'années. Ne vous fâchez pas, gémit Devereux d'une voix suppliante. Ne lui interdisez pas de revenir ici si elle en a envie, c'est tout. Ce pourrait être important pour elle. Pensez-y. Ami, un peu oppressé, fit signe à Sharon de la suivre et prit congé. Devereux lui avait fait mauvaise impression. Allons, se dit-elle, ne sois pas aussi intransigeante. Tous ceux que tu rencontreras seront bizarres, mieux vaut t'y préparer. On ne peut pas vivre des années loin du monde civilisé sans perdre la boule. Toi-même, quelle impression feras-tu aux nouveaux naufragés dans 4 ou 5 ans? Se diront-ils, qui est cette folle aux cheveux rouges? À moins que d'ici là, tes fichus cheveux soient devenus gris. Pourquoi s'en va-t-on? Grommela Sharon. Il est amusant, ce vieux bonhomme. J'aime bien sa cité. Je crois que j'irai l'aider à la bâtir. Se retournant vers Ami, elle ajouta d'un ton cinglant. Et ne dis pas non. Tu n'as rien à m'interdire, tu n'es pas ma mère. Devereux n'a pas peur de moi, lui. On dirait même que ça lui plaît que je sois défigurée. Oui, je crois que j'irai, pour voir. Ami décida de faire halte à mi-pente. Le paysage était magnifique. De temps à autre, les perroquets s'envolaient, déployant leur éventail multicolore au-dessus des arbres. « On dirait un feu d'artifice !» s'extasia Sharon. « Un feu d'artifice de plumes !» Lorsqu'elles eurent regagné le campement, Ami alla faire son rapport à Gunnarsson. Elle en profita pour lui demander si Devereux était dangereux. « Dangereux ?» s'étonna le Suédois. « Non, grand Dieu ! Mais il a toujours été exalté. Nous nous sommes brouillés sottement pour un point de détail, un désaccord à propos de sa traduction de certains graffitis relevés sur les murs de Pompéi. Je trouvais qu'il interprétait un peu trop. Il l'a mal pris. Sur le bateau, il a essayé de m'éborgner avec une fourchette à escargot. Néanmoins, depuis, il semble plus calme. Mais vous savez qu'il a construit une ville de poupées ? Une maquette ? Un diorama, voulez-vous dire? Oui, il avait déjà ce projet avant le naufrage. Il voulait... Non, c'est idiot, je ne devrais pas vous en parler. Après, vous ne voudrez plus le fréquenter. Je vous en prie, j'ai besoin de savoir. Ma fille désire travailler sur son chantier. Eh bien, Devereux avait dans l'idée de reconstruire Pompéi pour procéder à une reconstitution de la catastrophe avec un volcan miniature qui, comme le vrai, aurait craché du feu de la lave des cendres. Il prétendait avoir besoin d'une observation in vivo pour comprendre les mécanismes de la tragédie. C'est une idée de fou. Je dirais une chimère. Tous les universitaires caressent un rêve irréalisable. Cela fait partie de la fonction. Ne vous alarmez pas. Il lui faudra 10 ans pour achever sa maquette. C'est à peine s'il a reconstitué le tiers de la ville. Il est tellement maniaque que la réalisation d'une seule maison lui demande des mois. Ami allait insister, mais Gunnarsson fit dériver la conversation vers un autre sujet. « Vos amis sont partis, annonça-t-il. J'ai eu beau les exhorter à la prudence, rien n'y a fait. » Le capitaine semblait décidé à établir le contact avec les mécaniciens. « J'ai peur que cette confrontation ne tourne au drame. » Les mécanos sont jaloux de leurs prérogatives. Ils ont fini par se persuader qu'ils jouissaient d'un droit de préemption sur toutes les épaves s'échouant sur le rivage. Il est fort possible qu'ils considèrent déjà que le sous-marin leur appartient. J'espère qu'ils ne se mettront pas en tête de le démonter. Il se frotta les mains, sourit à la manière d'un aubergiste et conclut d'un ton enjoué. Vous allez dormir chez nous, dans la case des invités. Ainsi, vous aurez le temps de vous familiariser avec nos coutumes. Je serai heureux que vous décidiez d'intégrer notre communauté. Vieux macro, se dit Ami, pour sûr que cela te plairait bien. Cela apporterait un peu de chair fraîche à la prochaine loterie. De quoi pimenter la soupe. Gunnarsson les guida vers une case assez vaste, au toit constitué de palmes superposées. Une cloison de bambou séparait cette cabane en deux. Dans la première pièce, on trouvait une table, des tabourets, un bahut bancal. Dans la seconde, 3 lits rudimentaires dont les pieds s'enfonçaient dans des boîtes de conserve remplies d'eau. À cause des insectes rampants, expliqua le Suédois avec un petit rire gêné. Au fur et à mesure que le soleil se couchait, la chaleur devenait supportable. On va vivre là ? Demanda Sharon. Moi, ça me plairait. Je n'ai pas envie de retourner en Angleterre. Je crois qu'on ne sera nulle part mieux qu'ici. Elle a peut-être raison, pensa Amy, qui depuis le seuil observait l'agitation du village. Elle dénombra une dizaine de femmes et une vingtaine d'enfants entre 4 et 12 ans. Tout ce petit monde était habillé de tuniques grossièrement tressées à partir de fibres végétales. Pour un peu, on se serait cru dans un village indien au cœur des Andes. Les femmes préparaient le repas, pilant une sorte de manioc, cuisant des galettes. Des légumes rissolaient dans une marmite bosselée posée sur des braises. Amy tenta de s'imaginer parmi elles, avec 10 années de plus, le ventre distendu par une nouvelle grossesse, conséquence de son 10e mariage momentané. Elle s'appliqua à visualiser ses enfants, tous de pères différents, mais pareillement accrochés à ses jupes. On devait vieillir vite à ce rythme. Mes seins tomberont, songea-t-elle, mes cheveux seront gris. Ma participation à la loterie annuelle n'excitera plus les hommes. Je ferai partie des lots habituels. Les mâles ne me surnommeront plus la fille aux cheveux rouges, ils diront « la femme au dix marmots ». Elle s'ébroua, chassant ses pensées grises. Gunnarsson vint les convier au banquet organisé en leur honneur. Amy soupçonna là quelque entreprise de séduction destinée à la convaincre de s'installer chez les bûcherons. Elle en fut convaincue lorsque les villageoises l'accueillirent avec des sourires trop étincelants pour être sincères. Les hommes, eux, la détaillaient sans dissimuler leur gourmandise. Voilà qui va relever le niveau de la loterie. Cette fois, Gunnarsson nous a ramené un beau poisson, semblait-il penser. Le Suédois fit des présentations, nommant les responsables de secteur. Alimentation, textile, outils, santé. Amy ne retint aucun patronyme. Il y avait déjà de la rancœur dans les yeux des femmes. Elle savait que les mâles attendraient le prochain tirage au sort dans la fièvre, comptant les jours. Elle croyait déjà les entendre chuchoter entre eux, ponctuant leurs discussions de rires gras et de gestes obscènes. Ils s'installèrent autour d'une immense table constituée de panneaux de bambou posés bout à bout sur des tréteaux. Le repas fut excellent. De toute évidence, l'île fournissait en abondance de quoi nourrir sa population. Amy nota que personne ne l'interrogeait sur la vie qu'elle menait avant le naufrage. Elle supposa que de tels élans de curiosité étaient tabous. Ici, on n'évoquait jamais le passé. Tout ce qui avait eu lieu avant que votre bateau n'échoue sur la plage n'existait plus. On tirait un trait définitif sur la naissance, la nationalité, la famille. Le naufrage faisait de vous un être neuf, vierge, prêt à tout recommencer. Pourquoi pas, se dit la jeune femme. Après tout, la méthode en valait une autre. À quoi bon cultiver la nostalgie, puisqu'on avait si peu de chances de quitter l'île? Autant se faire une raison et essayer de s'adapter. La conversation roula sur des sujets pratiques. La culture, l'alimentation en eau potable, les plantes vénéneuses, les animaux domestiques ou comestibles. Il y avait beaucoup de volailles, notamment une espèce de poule à plumes rouges nantie d'un très long cou qu'on appelait okoda. Sa chair était succulente. L'île ne connaissait qu'un prédateur dangereux, les serpents, quelques anacondas et une variété de vipères tropicales striées de bandes jaunes, surnommées vipères tigres, dont la morsure était mortelle chez les enfants et les vieillards. Le venin détériorait les centres nerveux. Ceux qui en réchappaient restaient un peu flous, sujets aux hallucinations, aux idées fixes. Devreau, l'homme aux ruines, avait été piqué par l'une de ces sales bestioles. C'est du moins ce qu'on prétendait. On connaissait un autre cas, celui du père Sébastien. Un vieux qui, de l'aube à la nuit, ne faisait que compter et recompter 12 noyaux d'olive qu'il conservait au fond de sa poche tel un trésor. Amy écoutait ce brouhaha d'informations d'une oreille distraite. En réalité, elle examinait les hommes les uns après les autres. Et les hommes l'examinaient. Chaque fois que son regard rencontrait un nouveau visage, elle se demandait « Pourrais-je coucher avec lui pendant un an ?» 9 fois sur 10, elle répondait oui. La communauté ne comptait pas de spécimens repoussants. 5 ou 6 individus étaient même plutôt séduisants. Les autres se situaient dans une banalité rassurante, ni beau ni laid, quelconque. Lorsqu'elle quitta la table, elle tituba, grisée par le vin de palme. Pendant tout le repas, Chico Palatino s'était montré distant et lui avait à peine adressé la parole. Elle regagna la case des invités en s'appuyant sur Sharon. « Alors, lui demanda-t-elle, qu'en penses-tu ? » « Les gosses m'ont regardé droit dans les yeux, » répondit la petite fille. « Je pense qu'on les avait sermonnés. Ils souriaient mécaniquement, mais j'ai bien vu que je leur faisais peur, surtout aux plus jeunes. C'est toi qu'ils veulent. » Quoi ? Ne fais pas l'imbécile, tu le sais bien. Ils te veulent pour la loterie, parce que ça va motiver les hommes. On en parlera aux alentours. Certains qui vivent isolés dans la jungle viendront s'enrôler chez les bûcherons pour participer au tirage au sort. Ça permettra à Gunnarsson de recruter de nouveaux ouvriers. Tu vas faire office de gros lot. Ami n'avait pas envie de discuter. Sitôt dans la cabane, elle se dévêtit et se coucha. Il régnait une chaleur atroce dans l'enclave de bambou. Elle aurait été plus à l'aise nue, mais les moustiques bourdonnaient dans l'obscurité et elle ne tenait pas à satisfaire leur appétit féroce.